Je défends le droit des hommes car il est important de se rendre compte de sa position privilégiée dans le monde afin de pouvoir aider les autres. Ayant visité et ayant vécu dans de nombreux pays non démocratiques, j'ai très vite pu réaliser la situation. Il est donc important de pouvoir aider les autres et de leur permettre de pouvoir s'exprimer à travers la situation privilégiée dans laquelle l'on est.